Le journal d'Internet sud-coréen Tongilnews annonce que le 26 décembre, l'Action nationale d'urgence pour la destitution du pouvoir Pakonay a tenu une conférence de presse devant le bureau du comité d'enquête spéciale à Séoul. Elle a accusé le premier ministre Hwang Kyo-ahn et Woo Byung-woo, ex-secrétaire en chef chargé de l'administration civile de la Maison Bleue, d'auteur des affaires scandaleuses politiques, car ils n'ont pas défendu à bon escient Pakonay de confier entièrement le pouvoir à Choi Soon-sil et de mystifier les affaires d'État et voire en complicité avec elle.